Ah, c'est triste. 3 mois sans vraiment pouvoir faire grand-chose. 3 mois. 3 mois. C'est ce que le médecin a dit. Par exemple, c'est sûr que ça peut revenir peut-être un peu plus vite dans le sens que, tu sais, quand même jeune. Fringante. Ouais, exactement. Donc, non, c'est ça, je sais pas, en même temps. Mais ça tombe bien, tu sais, la vie fait quand même bien les choses. Donc, nous, on va tomber en vacances aussi. Donc, tu vas pouvoir comme prendre soin d'elle un peu plus. Ouais. Mais pas au rétablissement. Ça a l'air de faire très mal. Ouais, elle se plaint beaucoup. Ouais. Un coup, c'est important, je pense. Oui, en effet. Donc, aujourd'hui, dans l'émission Assemblage requis, on a un gros plan pour vous. On a 3 de nos chroniqueurs qui vont se présenter tour à tour en studio. On a Audrey Tremblay vers les 7h30 avec son tour du Zone Campus. Elle va nous parler du plus récent numéro en kiosque dès maintenant. Yes. Qui d'autre? Maxime Lemieux l'a ramené avec sa chronique Télécharge quoi. Mm-hmm. Émilie Gauthier, mm-hmm. qui va venir nous parler... De comment choisir ses raquettes. Ses raquettes. Oui. Merveilleux. Moi, je sais pas comment choisir mes raquettes. Moi non plus. Une chance que j'ai pas besoin d'en choisir. Ouais. Non, mais si des fois, elle a envie de prêt, tu vas savoir exactement quoi choisir pour convenir à tes besoins. Donc, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de questions, en fait. Ah oui? Ouais, je sais pas comment ça fonctionne. Si ça fonctionne par là, pas la grandeur. En fait, je pense qu'elle va être apte à répondre à nos questions. Tout à fait. Ça, c'est vers les 8h30. On a aussi Régis Solry. Régis Solry aux alentours de 8h. Là, c'est sa dernière. Là, c'est celle-là. La dernière de l'année. Là. Dernière, quand la mort se fait originale. Soyez à l'écoute pour ça. Ça, c'est vers les 8h environ. Mais pour l'instant, on commence en musique. Voici Tokyo Police Club et Bambi. Bambi! Bambi! Ça me rappelle le Bambino. Hey, j'ai goûté à la poutine 5 viandes, bacon, pepperoni. Aussi. Chez Chose, là. La pizzeria, là. Ah ouais? Celle-là qui a des chiffres dedans. C'était gâté? Ah oui. Affection, monkey grooms, blossom blooms,

Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de CIFU 89.1 FM. C'est l'émission matinale en pièces détachées, hein, François? Hein? Tout à fait. Je lisais Zone Campus. Ben, c'est tellement intéressant, câlisse, ce journal-là, ça se peut plus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Je te comprends, François. Hey, salut, Audrey Tremblay. Bon matin. Bon matin. Vous allez bien? Bon matin. Oui, très bien, toi? Ça va très bien. Audrey Tremblay, qui est la rédactrice en chef du journal Zone Campus, ce merveilleux journal qu'on reçoit toutes les deux semaines ici sur le campus et dans d'autres points de chute à Trois-Rivières. Et je crois que c'est la dernière pour 2010. Exactement. Oui, après ça, on revient en janvier, évidemment. De plus belle avec une nouvelle équipe. Ça n'arrête plus, ça. Oui, nouvelle équipe, des gens qui s'en vont, d'autres qui restent. Exactement. Et des nouveaux arrivants. Voilà. Donc, faisons le tour de ce journal qui vous souhaite joyeuses fêtes de façon les plus sincères avec un lutin qui tient une zone campus. Moi, j'aurais aimé ça vraiment. Si on avait pu prendre la photo du lutin, la mettre sur un faux zone campus, la faire imprimer, lui mettre le zone campus avec sa face dans les mains. Là, il y aurait comme un lutin dans zone campus, dans le lutin dans zone campus, tu sais, etc. Ouais. Comme Slush Poppy. C'est vraiment super. Mais comme juste Slush Poppy. Comme Slush Poppy avec un Slush Poppy dessus. Ouais. Bon. Donc, on commence par les actualités comme toujours. Oui, on va parler de, en page 2 de l'évaluation d'un campus à Drummondville, qui est un projet à fort potentiel. Fort potentiel. On parle aussi des hausses des frais de scolarité que la CREPUC a appuyé et que l'AGE dénonce ouvertement. La CREPUC, c'est la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Exactement. Ça se dit mal, hein? Des principaux oui. Des universités. On dirait qu'il manque un mot, mais non, c'est des principaux, comme un principal en anglais. Ça. Oui. Comme voilà. La principale skinner. Voilà. Voilà. Il y a eu le lancement d'un webisode de la déséducation. Ça a l'air intéressant. Oui, le 5e épisode qui a été lancé. Là, ça a été organisé par des étudiants en enseignement. C'est très intéressant. Mm-hmm. On parle des paniers de Noël de l'AGE. Qui est en fait terminé, mais qui s'est bien déroulé. Le colloque Ensemble pour la santé à l'UQTR. Les prêts de iPad à l'université. Oui, prêt des iPads à l'université, toi. Oui, vous m'aviez appris ça. Il y en a 9 et on peut les louer pour une durée de quoi 4 heures. Et après ça, c'est par heure additionnelle, ça coûte de l'argent. Exactement. C'est au lieu d'emprunter un portable, à la place, t'empruntes un ordinateur sur lequel tu peux pas faire grand-chose et que t'as pas. De possibilités. Mais est-ce que les documents que tu peux faire de la recherche électronique, tu peux lire des documents sur le iPad qui sont peut-être plus disponibles à la bibliothèque? OK, ça, j'aime ça. Mais ce qui est intéressant aussi de cette idée-là, c'est que si t'es pas certain de vouloir t'acheter ça, oui. ça permet de... Ben, c'est sûr que c'est plus facile d'aller à la bibliothèque qui est sur le campus que d'aller dans un magasin électronique et de l'essayer. Et là, tu te fais comme surveiller, te poses des questions, alors que là, tu l'as pendant 4 heures, tu t'amuses freestyle. C'est ça, tu vas t'acheter un café, tu t'assis, puis tu je sais pas si la bibliothèque recommanderait de prendre un café à côté de l'iPad, mais ça, peux-tu c'est comme... sortir la bibli? Je le sais pas. Okay. Je pense que non. OK. Ah, OK. Ben, ça, c'est un autre point. Ben, en fait, sûrement parce qu'on me disait qu'on pouvait le brancher pour remplacer le portable dans les cours pour les PowerPoints, tes affaires. Fait que sûrement que tu peux le sortir de la durée de ton cours, mettons. Ah, c'est bien. Et aussi, j'imagine qu'ils ont les applications préinstallées à la Pages, Numbers, l'équivalent de Word et Excel. Donc, iPad et la bibliothèque, c'est bien. Exactement. Okay. On parle aussi de la nouvelle orthographe et du plagiat. Mm-hmm. Et mon éditorial aussi, qu'on va parler de la police autour du campus. Oui, ton titre est particulièrement percutant, je trouve. Oui, mais je l'aime bien. Quand les poulets attrapent les poissons. Ouais. C'est que je fais référence à de la pêche. Oui, oui, dans ben mon oui. Éditorial. Pour ça, les poissons. La pêche sur glace. Ouais. C'est presque ça ce matin, sous le boulevard des Récollets. On s'avancera pas trop. Dans la section Société, on a les confessions de Sophia, son texte d'opinion. Oui, qui parle de Noël et de tout ce qui l'entoure. Et la musique, entre autres, de Noël. Oui. Mm-hmm. Les décorations. Oui. Le fantasque est de retour avec son beau dessin artistique. C'est vraiment super beau, comme toujours. Effectivement. Dans le Vox Pop, qu'est-ce que vous allez faire durant vos vacances des fêtes? C'était un peu la question évidente. Ouais. Pour une édition qui va être un petit bout sur les tablettes. Ben c'est ça. Et là, jusqu'au 9 janvier, 13 décembre au 9 janvier, c'est presque un mois pour cette édition du Zone Campus. Il y a des photos dans la section Campus en action, dont la face de François-Olivier et la mienne. Ouais. On n'a pas écrit nos noms parce qu'on n'est pas de même. Non, non, mais, non. On dit à la radio. Là. Ouais. La moustache aussi, était vraiment très belle. Ouais. Ouais. C'est la François. Il aurait dû la garder, certains disaient. Sur la photo, pour ceux qui sont intéressés, là, à gauche, c'est Danny Janvier du Dîner de con. Moi, au milieu, et puis François-Olivier Marchand, à droite. Le milieu que Mathieu fait les yeux par en haut. Ah oui. OK. Vous avez aussi des photos du stationnement qui est rendu le stationnement blanc plutôt que le stationnement vert. Boy, hein? On voit que les gens ne font pas très attention. Ce matin, c'est quand même bien parce que la gratte est passée et a fait les allées. Peut-être que ça va aider les gens à se stationner. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, hey, un petit mot sur le Vox Pop. Là, c'est choquant de lire le Vox Pop ce matin, car on peut apprendre que Bruno Gagnon s'en va dans le sud durant les vacances et pas moi. Pas qu'on le connaît, mais juste, yeah. Hein? Hey. Donc, c'est moi qui va au sud. Là. C'est ça. Art et spectacle maintenant, Audrey. Art et spectacle. Mélissa Beaupré est allée voir le spectacle de Daniel Bélanger. Nous en parle dans le en page 8. Arborescence, que Marie-Noël a couvert, qui était une édition qui était un succès, en fait. Mm-hmm. Le lancement de Matière brute du symposium d'écriture. Andréane Martin à la Maison de la culture. Andréane Martin qui avait très bien performé à UQTR en spectacle. On parle aussi du spectacle de Jérôme Mignard, qui a lancé un CD dernièrement. Mm-hmm. Jérôme Mignard, qui est sur notre palmarès francophone depuis plusieurs semaines avec son nouvel album. Qui est très, très bon. Un album qui s'écoute super bien. Mm-hmm. On parle du Salon des métiers d'art. Vous allez aussi pouvoir découvrir un site Internet pour offrir la Mauricie en cadeau, la culture en cadeau. Mais en fait, c'est tous des artistes mauriciens qui... Qui viennent du coin. Oui, exactement. Qui vendent ça... sur ce site Internet-là. Mm-hmm. Ensuite, Mélissa Beaupré a rencontré Jean-Thomas Jobin. Ah, Jean-Thomas Jobin. Qui était en spectacle la fin de semaine dernière. Au sport, on parle de cheerleading. On parle de Nicolas Duchamp qui va faire ses stages à C'est fou, qui va prendre un virage sportif. Oui, d'ailleurs, il va animer une deuxième émission, l'inconduite de partie, les lundis. Présentement, c'est le vendredi de 9h à 11h. C'est ça, exactement. À 15h, elle va rester la même, sauf que ça va être le lundi et le vendredi. Donc, ça va être une bonne émission, le sport. Ben, le lundi, il va pouvoir résumer les matchs, alors que vendredi, là, c'était difficile de résumer les matchs d'une semaine auparavant. C'est ça, ça commence à être compliqué. Donc, on aime ça, l'inconduite de partie à partir du mois de janvier. Oui. C'est bien. Les Patriotes vs les Légendes, ça s'est passé au Colisée de Trois-Rivières, un match bénéfice qui a ramassé quand même beaucoup d'argent. Mm-hmm. Je me souviens pas, 10 000 $ quand même. En retombée. C'est tout agréable, ça. Les gars, ils se font du fun, ça glace. Pis, C'est le fun à regarder aussi. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Trois joueurs des Patriotes qui vont être au Universiade, oui. Ouais, c'est difficile à dire. Quand j'ai vu ce mot-là, je voulais vraiment dire Universiade, comme si c'était en espagnol, mais c'est les Universiades. Oui, effectivement. On va savoir s'ils font l'équipe quand même bientôt, là, dans les prochains jours. Le camp d'entraînement est ouvert, puis on va savoir ça bientôt. Mmh. Et on parle de hockey. On parle de hockey. Les derniers matchs de la saison qui s'est terminée sur un bon pied. Ça débarrasse de ça de ce journal. Tant ça là. Bon. Là c'est plus tranquille pour les Patriotes. Faut pas vendre les punchs là. Mais faut non. Lire. Non, c'est ça qui est disponible aussi dans tous les kiosques. Voilà. Un petit peu partout sur le campus et à l'extérieur des cafés, des bars, des endroits, des places, des locations, des lieux. Voilà. On pourrait dire à l'extérieur à Trois-Rivières. Que dire de plus? Non. Ça résume tout. Audrey Tremblay, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour ton journal tout au cours de la session et au cours de la session prochaine aussi, parce que le prochain numéro va sortir le lendemain, le 10 janvier 2011. Ouais. T'es-tu prête? Ouais, je suis prête. Ouais. C'est déjà fait. Il est pas déjà monté, il est pas déjà dans la boîte, non? Non, pas déjà imprimé. On le garde en backup. Voilà. Voilà. On te retrouve au mois de janvier, dans le fond, le lundi qui va suivre la sortie de ce numéro-là. Voilà. Il devrait être à peu près ça le 10, hein, je pense. On se revoit le 10. À bientôt. Oui. Peut-être même un peu avant. Peut-être qu'on a d'autres affaires prévues pendant les fêtes. Peut-être. On s'en même. Entre amis, entre équipiers, coéquipiers, collègues. Collègues. S'il vous plaît, collègues. Collègues. Vous êtes Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on va avoir Maxime Lemieux-Aramé qui s'en vient dans les prochaines vingtaine de minutes. Voilà. Ouais. On a aussi Régis Solery qui s'en vient très bientôt, mais pour l'instant, on écoute Lovely Feathers. Très bon groupe. T'aimes ça, toi? Hein? Oui. Chaque fois que je fais jouer ça, je le vois dans ses yeux. Ça fait comme... C'est comme... des étincelles, là, un peu dans le temps de Noël. Comme si c'était un cadeau que Mathieu m'offrait. D'accord, c'est bien dit. Ouais, c'est tendre. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. I'm not an actress. Taking in all that surrounds, baby, I ain't coming down. Feeling for a crucifix to soften any heart the hardest. Believing even Adam had his feeling in the garden. Believing dreams you have and fathom bliss within your reach. Stretch beyond imagination, learn the lessons they can teach. Without wings, we lift off, drift off and get lost. Only to find we're much closer than we first thought. Only to shine in the darkest of times. Harvest divine, plant seeds for future to find. In my heart, I'ma keep you in mind just to get by. Cause an image of you's enough to get high. Qui est arrogant, puis insupportable, puis qui sent mauvais, puis qui est trop con. C'est qui, ça? Je sais pas. Parce que là, si tu dis en nom, ça va être de la diffamation, ça. Mais non. Ça va te faire... Mais non. Ben là... Je le dirais pas. OK, c'est pas dit. Vous êtes à Assemblage Requis, on vient d'entendre Bradman 3000 avec la pièce You. C'était précédé plus tôt dans l'émission de quoi d'autre? En fait, de rien. C'était juste Lovely Feathers. Lovely Feathers, oui. Ossified Homes, tout à fait. Maintenant, Assemblage Requis, c'est le moment de passer à la capsule de régisseurie quand l'amour se fait original. Et c'est la finale de cette superbe série. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup appréciée.

Mais avant ça, on va aller entendre la musique. La musique. Let's go with it. Il y a Panache. Panache. Ça t'entend? Oui. Mais Panache. Oui. Bouvier-Bernois. Ben, Bouvier-Bernois, tout à fait. Ben, mais okay. Avant ça. Mais avant. Alexandre Désilets. OK. Tu connais Alexandre oui, Désilets? Oui, oui. C'est un gars du coin, ça. C'est un gars, en tout cas, ça, je sais. l'album s'appelle La Garde. Voici Le Souffle Court. On me confirme si c'est un gars. It's a guy. T'es sûr? It's a little boy. Boy! Je panache et Bouvier Bernois, assemblage requis, c'est la fin de la première heure. Oui. Oui. T'as pas de l'air content, Martin? Non, je te laisse embarquer quand tu veux. Donc, oui, en fait, c'est ça. C'est la première heure. Dans la deuxième heure, qui va suivre à l'instant, on reçoit Maxime Lemieux-Lamy avec sa chronique télécharge. Quoi? Émile Gauthier aussi. Qui va nous parler de comment on fait pour choisir ses raquettes. How do you choose? Hein? Your rackets. Ça va nous embarquer dans un racket, j'ai bien l'impression. Ça va nous coûter cher, là. Oh, pyramidal, pas mal. Restez avec nous, cet assemblage requis jusqu'à 9h. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Ça sent le froid, mais est-ce que le froid vient masquer l'odeur du train Trois-Rivières? C'est ça la question. Ouais, très bonne question. On est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce mardi. On est quoi, le 14 décembre 2010? Tout à fait. Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Bon retour, les requins. Bon retour. Hey, Mathieu, justement, quand tu as dit la date, tu m'as fait allumer une petite cloche. C'est qu'on a deux billets, une paire de billets pour les soirées d'improvisation de la Lime à faire tirer. Donc, pour ce soir, ça se déroule à partir de 20h. Et puis, donc, en fait, on va prendre le premier appel tantôt, quand il va y avoir une pièce. On va donc vous donner le numéro de téléphone tout de suite, le 819-376-5183, 819-376-5183, pour des billets pour la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne. Et vous savez, la LIM, c'est très en mode de ces temps-ci, dans toutes les bières, hein, comme de la Chill, Miller Chill. La Bud Light. With Lime. With Lime. Moi, j'adore le Pepsi Diet avec de la LIM. Ah ouais? Ouais, en bouteille. Ils en ont à canette à cette heure maintenant. Donc, la Lime, c'est à la mode et c'est ce soir. 819-376-5183 pour une paire de billets pour la Ligue d'impro. C'est les blancs contre les bleus. Mais pour l'instant, on écoute Atomic Baobab. Voici Foxtrot Uniform. Atomic Baobab est la pièce Foxtrot Uniform dans l'assemblage requis sur leur nouveau maxi Atomic Baobab EP. Tu me disais que ça te rappelait une chanson de Bolland Gang. Oui, ben le titre. Là. Oui, le titre. Parce que là, ça se ressemble pas, mais... Non, c'est ça. Eux, c'est Foxtrot Uniform Charlie Kilo, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est très bonne pièce. Complet, ouais. Ouais. Fuck! C'est hey. Ça que ça veut dire. Wow! Mais c'est ça que ça veut dire. On dit pas ça, radio. C'est comme If You Seek Amy de Britney Spears, là. Est-ce que, tiens, est-ce que ça veut vraiment dire fuck me? Non, non. I don't know. Mais non. Non, mais non. Ben, trop sage pour ça, mais hey. Tu sais. Elle fait pas ça, elle, c'est pas mariée. Non. Ouais, on va demander son opinion sur le mariage à Maxime Le Meilleur Amin. Je crois que sur sa planète, c'est Jupiter, sa planète, je crois. Je sais pas. Ouais. Eux, ouais. Ils se marient n'importe quand dès la naissance, en fait. Son vaisseau s'en vient, attention. On va lui demander. Allô, allô, allô, allô. Allô, allô, allô, allô, allô. Allô, en direct, le satellite. Vous attendiez que je dise de quoi? Ou... Ouais, c'est ça. Bon, ben j'ai dit de quoi? Bon, ben ça va? On dira plus rien de bon. Comment ça va, là? Ça va, ça va. Ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Déjà, dernière chronique. Oui, pour 2010. Ça finit vite, cette année-là, hein? Ouais, c'est fou, ça, c'est incroyable. Une chance qu'il en reste une autre après. Après ça, ça va être fini. Il en reste une autre après, après ça, c'est 2012. Il reste une autre quoi? Ah oui, puis en 2012, ben oui. Puis une autre année. Ah, il reste une autre année avant la fin. Ben oui, il reste 2011. Puis quoi, c'est 12 décembre, ça, 2012? Ah, c'est ça, je pense qu'il en reste donc deux. Ah, il reste du temps en masse. Doit être à la fin 2012. Non, mais là, on sera déjà mort, là. Ah oui? Ben, je suis sûr. On est 14. Mais il me semble que c'est 12. En tout cas, je sais pas. Ouais, mais 2012? Ouais, 2012. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. On serait mort maintenant. En 2010. Fait qu'il reste... Ouais, ouais. Moi, je suis tout mêlé de quand est-ce que je vais mourir. Ben oui, c'est vrai. Peux-tu parler français? On peut-tu parler pas tous en même temps aussi? Alors, c'est ça, aujourd'hui, pour la dernière chronique, j'ai pensé à plusieurs thématiques. OK. Puis finalement, je me suis dit... non, c'est ça, parce que ça fait longtemps que je voulais faire une chronique. Ils ont déjà été bons, tu sais, puis parler comme de, je sais pas, de Weezer, puis de Offspring, ou tu sais, des affaires de même. C'est plus bon, ça? Ben non, c'est ça, c'est plus bon. OK, selon toi. Ouais, c'est ça, selon moi. Mais ça dépend, les vieux trucs, c'est encore bon. Non, c'est ça, les vieux trucs, là, c'est excellent. Fait que c'est pour ça que je voulais dire, ils ont encore été bons. Puis parler justement, tu sais, Weezer, ça fait au moins 3-4 albums là, que moi je suis plus pantoute, alors que quand j'étais au secondaire, c'était comme mon groupe préféré. Ouais. Donc là, ça, c'est ce que tu ne feras pas aujourd'hui. C'est exactement ce que je ne ferai pas. C'est le fun! Ça avait l'air aussi, intéressant pour ouais, toi. On aimait ça, nous autres. Ou aussi, je voulais faire peut-être une revue là, des artistes que j'ai le plus aimé en 2010. Et ça ne sera pas ça non plus. Et je ne ferai pas ça non plus. Donc, je continue avec la présentation de nouveaux... Ben, moi, j'arrête ça, je ferme ton micro, c'est fini. Non, gars, bye. C'est un assemblage requis? Non. Non, en fait, je vais faire peut-être un mélange des deux dernières choses que j'ai dit. Donc, je vais parler de l'artiste que j'ai le plus apprécié en 2010, que j'ai découvert puis que j'ai écouté le plus. Puis, j'ai aussi parlé de deux artistes. Bon, je vais parler de Wild Nothing, okay, que ça fait super longtemps que ça existe, mais que j'ai pas parlé ici. Puis là, il vient de sortir un maxi. Mais juste avant... C'est ça, hein? C'est ça l'ordre. Juste avant. Juste avant, OK. Ouais, juste avant, je vais parler de Local Natives, ouais. Groupe que ça fait en fait quasiment 2 ans que tout le monde me parle, puis que j'ai jamais pris le temps d'écouter. Ouais, c'est ça, d'apprendre à connaître. Puis je te dirais que ça fait une semaine que j'écoute Local Natives, puis je me dis, tabarnouche, j'aurais dû embarquer dès le début. J'aurais dû l'écouter bien avant. Ouais, c'est ça. Puis je pense que, ben, je sais qu'ici, c'est sûr que Sophie Laforêt en a déjà fait jouer, mais c'est sûr que ça joue pas fréquemment. Donc, ben, on l'a pas reçu. Dit... Je pense pas qu'on a reçu ça non plus. Donc. Beaucoup de choses bonnes qu'on reçoit pas, évidemment. Ouais, ben, c'est normal aussi. Pas t'en savoir. Je reçois un message texte, les gars. Ah, cool, c'est ça. Tu reçois ça, Vaid. C'est qui? Ah, okay. C'est beau. T'es en retard à job ou hein? Non, je suis pas en retard, je suis jamais en retard. Donc, c'est ça, on va commencer tout de suite en écoutant Local Natives. Puis, sûrement que Mathieu, je te laisse présenter la pièce. Ah, c'est la pièce Wide Eyes. Ah, bon, ben c'est ça. Je te vois les mots de la bouche, hein? Exact. Ouais. Vous êtes dans le spécial, pas qui est pas supposé d'être ce qui était pas, finalement, mais qui est d'autre. Local Natives, avec la pièce... Wide Eyes. Wide Eyes. Oui. Puis justement, Wide Eyes, ça me fait penser à un groupe, Wild Nothing. OK. Toi aussi, Mathieu? Oui, ben moi aussi, mais moi, ça me fait penser à Wild Thing, make my heart sing. Le gars au karaoké à côté, là, il fait... Oh, ouais. Ça, hein? Ouais, c'est Born to be Wild, je pense, mais ça revient au même pas mal, je trouve. Puis, ouais, c'est ça. En fait, on a eu des problèmes, des légers problèmes techniques avec MySpace tantôt. Du tout? De quoi tu parles? Ça n'a pas paru. Non, mais je veux dire, c'est ça, ça n'a pas paru, mais bon, Mathieu cherchait une pièce... Puis sur son écran, ça apparaissait pas, mais ouais. Sur le mien, ça apparaissait, la pièce apparaissait. Ouais. C'était bizarre. J'ai remarqué le problème, c'est que des fois, quand tu cliques sur la page Music, t'as comme des onglets à gauche des ouais. Nouvelles pages MySpace. Dans Music, elle est pas là, mais dans la page d'accueil, okay. Elle est là. Ah, OK. Okay. C'est spécial un peu. C'est ça qui nous a fourvoyé un peu. Vive MySpace, moi, je trippe. Moi, je me demandais comme ça, c'est ça, on l'a pas dit, mais vous, votre émission a fini jeudi. Oui, jeudi le 16 après demain. Mais la post-production, là, votre travail, c'est, quand est-ce que vous tombez en vacances? Le jeudi d'après. Ah, OK. Mathieu aussi? Ouais. Je voulais juste profiter de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, les gars. Puis profitez-en. Relaxez. On va essayer. Je sais que c'est pas facile faire une émission matinale comme ça tous les matins à 7h. On a du plaisir, par contre. Ouais, j'aime bien les cases d'horaire, moi. Ça paraît que vous avez du plaisir. Quand on a des bons chroniqueurs, comme ouais, vous, c'est ça. Ouais, ouais. Sans monsieur vous, on ferait pas grand-chose. J'aime ça que quand vous me voyez, les gars. Mais on trouve ça un peu plate, monsieur, que vous n'ayez pas au party. Oh, le party, je suis désolé. Hey. Mais bon. Je pense que c'est la fin de semaine des parties ou c'est la fin de semaine ou même le temps des parties de Noël. Parce que là, moi, j'ai jeudi, vendredi, samedi, j'ai des parties de Noël. Tout le temps, la ça galère. La job, là. tu t'es pas fait pousser la moustache, t'aurais pu au moins venir au party. Hein? Non, c'est ça. Non, il veut rien savoir de nous autres. Écoute, tu m'as déjà vu avec une moustache. Lui, le social. M'as-tu, moi, vu avec une moustache pendant le Movember? Juste pour... Ouais, je t'ai vu avec une moustache. Ouais, c'est ça. Fait que... Ouais. Ça vient un petit peu comme dans ta face cassée. T'sais. Ben, ouais, OK. Si tu le dis. Non, mais bon. Je suis désolé. Je suis venu il y a 3 ans, hein, au party. T'as pas raison. Une fois, ça a été bien assez, ça. Eh ouais. Hein, c'est fait, bon, on en a encore pour 3 ans. Ça s'appelait C'est fou dans ce temps-là. Ouais, c'était pas si longtemps que ça. C'était sous son autre nom qu'on ne mentionne plus, on n'a pas le droit. Copyright. Donc, Maxime Lemieux-Ramé, toujours un blog télécharge quoi? Ouais. Alors, sur tes suggestions musicales. Oui, alors là, c'est ça. Je suis un peu mélangé avec tout ce qu'on se dit. C'est pas grave. Mais parlons de Wild Nothing qui a sorti tout récemment un maxi. Et puis, il y a une pièce disponible. Elle est vraiment excellente, la pièce disponible sur MySpace. Elle s'appelle Golden Age. C'était ça qu'on cherchait depuis lustre. Moi, je suis arrivé à 6h30 puis, à matin. Puis on cherchait depuis 6h30. Non, alors c'est ça, je vais vous faire écouter et découvrir Wild Nothing. C'est un groupe excellent, donc à noter. Et puis on écoute Golden Age tout de suite sur C'est Fou. 89 FM? Party de Noël, le 18. Dans 3 ans. C'était Golden Haze du groupe Wild Nothing. J'aimais ça, moi. Ouais, c'est ça, moi. C'est exactement ce que j'écoute. Puis ça va vraiment vous faire penser à la prochaine pièce qu'on va écouter de Twin Shadow. C'est un peu allure années 80, Joy Division, que groupe que je trippe vraiment et à découvrir. Là, c'est quasiment tous les groupes rock, indie, new wave se sont basés un peu sur leur style. Joy Division, à découvrir aussi. Mais en fait, c'est ça, un peu comme je vous parlais tantôt, l'artiste que j'ai le plus apprécié en 2010, personnellement, c'est Twin Shadow, groupe que dont j'ai déjà parlé ici. L'album Forget est sorti cette année, en 2010. Et puis, je les ai découverts grâce, surtout entre autres, à Pitchfork, qui a donné une excellente note, excellente critique. Donc, moi, j'avais fait écouter, on avait entendu la pièce I Can't Wait, c'est la première pièce qui m'a fait découvrir l'album puis le band. Mais là, depuis que j'écoute tout l'album, ma nouvelle pièce préférée, c'est Slow. Puis je tenais à la faire jouer avant 2011, avant le prochain party de Noël. Puis, puis c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. J'en ai dit pas mal, là. C'était quasiment un monologue, là. Oh, ouais. Ça faisait quasiment une minute que je parlais tout seul, sans rétroaction, sans feedback. C'était beau. Je me faisais penser à Grégory Charles le samedi après-midi. À Radio-Canada? Ouais. Ouais, c'est fini, ça. Ouais. C'est fini, je pense. Ouais, ouais, c'est fait. Je pense que la dernière fois qu'il a joué, c'est le dernier party de Noël. C'est fou, putain. Bon. Non, mais j'aimerais ça venir au party de Noël, mais je peux pas. Invite Grégory Charles pour te remplacer. I don't know. parle du vaisseau spatial. Ouais, hein? Je sais pas si les gens comprennent de quoi qu'on parle quand on parle de vaisseau spatial avec ta chanson thème. Pourquoi? Ben, je veux dire, ouais. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ah, oh, ouais. Ok, c'est bon. Alors, c'est ça, moi, c'est Twin Shadow, mon artiste préféré de 2010. Ouais. C'est ça qu'on écoutait. Puis c'était la pièce Slow de l'album Forget, leur seul album actif. Donc. L'album est très bon? Ouais, ben. Excellent, en fait. Au début, j'écoutais 3-4 tunes, puis maintenant, je l'écoute du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est excellent, c'est pas long. Douzaine de pièces. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal ça, les gars, pour moi. Je tenais à dire que j'étais un peu plus pesant que Jean-Pascal aussi. De combien de livres? Deux livres. De deux livres. Deux livres. Je le bats de deux livres. C'est comme deux livres de beurre, mettons. On pourrait l'envoyer dans le ring. Hein, les deux. Je pourrais, dans une cage. Jean-Pascal. C'est lui qui sort debout. Il faudrait que je sois vraiment rapide pour l'esquiver tout le match. T'es rapide. Je suis rapide, ben oui. Comme l'éclair. Everything is the same. Comme l'éclair et toi, c'est pareil. Everything is the same. Bon, ça, là, je pense qu'il faut arrêter, sinon on peut déraper. Moi, tu penses? Je te connais, Mathieu. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Maxime Lemelaramé avec sa chronique Télécharge Quoi, de retour en janvier? Yes, oui, probablement. Merci. Janvier. OK, parce que là, on se rappelle, t'as pas parti pour Movember. Tu viens pas au party de Noël. Faut quand même que tu gardes ta chronique, là. Hein? Ouais, non, mais c'est vrai, ça dit bon sang le matin comme ça à 8h. Ouais. 8h10, 8h. T'as vrai, après. Les autres ont juste à couper la chronique pour toi. Hein? C'est ça? Ben là, c'est les autres. Il y a d'autres chroniqueurs à cette émission. Est-ce que tu viendrais au party, tu le sais? Moi, en tout cas, je suis surpris que le party ait lieu, même si je viens pas. Écoute, je sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement pleurer. On va parler de toi, en tout cas. C'est bon. Ben, il y aura une piñata, puis vous écrirez Maxime dessus. Mets ta photo, on fait ça dessus. Ouais. Bon, ben, ciao. Hey, merci. Belle année, pour vrai. Yes. Merci. C'est fort apprécié. Oui. Pas de problème. Juste une seconde. On t'adore. Ça met de la bonne musique. Je suis là pour ça. Ben ouais. Alors, on va laisser ton vaisseau partir de petit second. Hein. Vous êtes toujours Assemblage Requis avec François Évier et Mathieu Plante. Info et Matt. Info et Matt. Matt. C'est matin. Mip, mip. Mip, mip. Parce que MP, ça pourrait être, tu sais, toi, c'est FO. Oui. Comme faux, tu sais, comme en vrai ou faux. Oui. Moi, c'est Mathieu Plante. Ou mip, mip. Comme le Roadrunner. Mip, mip. Mip, mip. Pas pire? Ouais. Nouveau surnom, même. On aime ça. Freestyle. Ok. Ouais. Il disait qu'on déraillait. Je sais pas ce qu'il voulait dire par là. Je sais pas. Donc, à Assemblage Requis, nous reste environ une demi-heure ensemble. Tantôt, Émilie Gauthier avec sa chronique plein air veut-tu sortir avec moi? Oui. Mais avant ça. Oui, on va l'entendre un groupe The Octopus Project. C'était bon, ça? Oui, c'était bon. On va l'entendre, la pièce s'appelle Tuxedo Hat. Ça, c'est fou. Elle veut le son. Écoutez-la, c'est un peu fucké, mais c'est très bon. On peut pas monter le son pour vous autres, donc vous allez devoir utiliser vos boutons. Utilisez-les. Retour à la chronique plein air d'Émilie Gauthier qui nous apprend comment choisir nos rackets. Racket. Rackets. Racket. Racket. On a compris que c'est des raquettes, là? Ouais, je pense que tout le monde est au courant. En babiche. En babiche. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. Cet hiver, c'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou! Oh oui, oh que oui, oh que maison que donc que oui. Pourquoi pas? Badon que ding badon. Si! Si! On va se faire embarquer dans une affaire de vente pyramidale, je pense, moi. Pas un racket. Un racket. Un racket de racket. Un racket de racket dans la chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Émilie, tu disais, c'est cher des raquettes, on va peut-être falloir se mettre à la vente pyramidale pour réussir à faire assez d'argent pour s'en procurer. Ouais, mais faut pas hésiter, hein? Non. Ça dépend de votre budget. Il y en a qui ont des bons budgets pour le plein air aussi, puis ça dépend quelle qualité vous voulez aussi. Oui, c'est ça. Ça dépend, il y a des gens qui viennent à l'université pour différentes raisons. Parents riches. Des fois, ça peut arriver. Fallait pas le dire, Mathieu. Fallait pas le dire, excuse-moi, je retire mes parents. Donc, on commence notre sélection de comment faire pour avoir des raquettes. Dans le fond, premièrement, se présenter à un endroit qui en vend. C'est un point. Ou qui en loue, tu sais, pour c'est le monde. Sacré Mathieu Plante. Mais des fois, peut-être en louer une première fois avant, c'est une bonne idée, okay. Savoir si on aime ça. Avant de mettre une centaine de dollars là-dedans, c'est peut-être une idée de dépenser 5-10 dollars pour en louer une paire. C'est où ce qu'il y a en loue? Le Parc national de la Mauricie, okay, en loue. Okay, directement sinon, dans sinon le monde de si je parlais la semaine passée, qu'il y en a. Ben, habituellement, où est-ce qu'il y a des sentiers de, on peut en louer. Okay. Je sais qu'il y a un petit boisé pas loin de chez moi qui loue des skis de fond et des raquettes. Là, fait que dans le boisé, il loue des... Ben, il y a une petite cabane, puis oui, effectivement, c'est ça. Ah, ouais. Il y a une petite cabane où est-ce qu'il y a des skis de fond et des raquettes. Fait que je pense que c'est un peu partout que moyen d'en louer. Sinon, il y a des magasins qui font des locations aussi. Okay. J'aurais dû y penser aussi avant d'acheter mes petits pantalons de neige. Je t'allais faire à un moment donné des glissades d'hiver. Puis là, payer des pantalons à 30$, j'aurais dû les louer. Non. Non. Pour une fois par année, j'aurais pas pu, non. Passe pas. Non. J'aurais pu les emprunter à un ami. Ah, ça, j'aurais pu. Ouais. Mais t'as sorti dehors? Oui, une fois dans ma vie. C'était à peu près 2 ans. J'ai impressionné, hein? Il est tombé, il s'est cogné à la tête, fait qu'il a décidé. C'est fini. C'est ça, cassé le coude. Après 2 glissades, il a fait je m'en vais. Ah, j'ai pleuré tout le long, mais ça valait la peine quand même. Pour moi, pouvoir dire que je l'ai fait. Ouais, voilà. Donc, on parle de comment choisir ses raquettes. Commençons par le premier critère, le poids. Oui, je pense que le premier critère, dans le fond, à regarder, c'est pour choisir la grandeur de raquette, c'est son poids. Donc, je dirais de 140 à 190. Jusqu'à 140 livres, on va aller prendre des 25 pouces. Donc, ça, c'est le poids de la personne, pas le poids de la raquette. Poids de la personne, oui, effectivement, 140 livres. Ça, ça va être là où? Une raquette, c'est environ 5 livres, là, gros max. Donc, jusqu'à 140 livres, moi, je parle de taille adulte, parce qu'il y a des tailles enfants aussi, mais ça, ça va aussi en conséquence du poids. Donc, jusqu'à 140, on prend habituellement des 25 pouces environ. 21 pouces. Quand tu parles de 21 pouces, c'est quoi? C'est la longueur? C'est la longueur de la raquette. Habituellement, okay. Comme la standard, là, c'est... mettons, pour les hommes, c'est 30 pouces de long par 9 pouces de large, à peu près. Okay. Mais ça va jouer. Il y en a qui sont plus étroites si on prend des raquettes pour la course. Il y en a qui sont plus larges si on prend vraiment de la raquette pour la grosse randonnée. Mais ça, c'est peut-être un peu plus spécialisé. C'est ça. Donc, de 140 à 190, on va aller pour les 25. C'est la grandeur qui est la plus souvent vendue pour les femmes. De 190 à 240, on va aller pour du 30 pouces. Puis 230 à 330 livres, on va aller pour des 36 pouces, là, mais... 36 pouces, j'imagine que... Hein, c'est assez quelque chose, oui. Oui, oui, quand même traîner, là. Mais c'est ça, ça dépend aussi... faut tenir compte aussi de la grandeur de la personne. Selon certaines chartes aussi, on peut tomber comme proche entre les deux. Fait que dans ce moment-là, on va prendre compte de la grandeur de la personne. Mettons, moi, je me tiens plus comme vers le 25, mais à la grandeur que j'ai, 6 pieds 1, t'sais, j'ai les jambes assez longues, j'ai un pas assez grand que je pourrais me permettre d'aller chercher la 30 pouces, parce qu'à ce moment-là, t'sais, elle est moins calée. Mais contrairement à quelqu'un qui va faire 5 pieds, ben si son poids se situe entre les deux, on peut-être tendre un peu plus vers le 25 pouces parce qu'elle sera pas capable de... On va avoir de la misère. Elle sera pas capable d'avoir des 25 pouces qui égale un peu plus large que des 21 dans ses pieds parce qu'elle va marcher bien écartée puis des grands pas. Ça sera pas très pratique, mettons. Et pas très séduisant non plus. Ça dépend aussi sur le type de terrain qu'on compte en faire. Là, si c'est des terrains plus tapés, ben on va aller chercher... Si moi, je me dis, oui, de la raquette, j'en fais juste un sentier, j'en fais juste à la piste cyclable. T'sais, c'est pas un sentier tapé, mais il n'y a pas 10 pieds de neige folle non plus. Ben, je vais peut-être aller un peu plus vers la 25, parce que je n'ai pas besoin que ça m'empêche de caler vraiment. Mais c'est ça, mais mettons exemple, OK, je sais pas, mais dans une piste cyclable, okay, pourquoi on ne peut pas y aller tout simplement en botte? Il y en a beaucoup qui c'est un défi aussi d'avoir des raquettes des pieds. C'est okay. Un poids de plus, c'est un entraînement de plus. Va marcher une demi-heure juste avec des bottes et va marcher une demi-heure juste avec des raquettes. Tu vas voir que la différence est assez... Pour les mollets. Fait qu'il y en a qui aiment ça. Ben, les mollets, les jambes, les abdos aussi, le veut pas, c'est des forces de plus. Là. Donc, il y en a qui aiment ça en avoir. Ils disent, ouais, mais moi, j'en fais sa piste là en arrière de chez nous, mais ça se peut que j'aille faire un tour sur l'île Saint-Quentin. Mais si tu fais pas de sous-bois, habituellement, les sentiers sont un peu tapés, fait que c'est juste comme un trip d'en avoir. Puis il y en a qui sont faites vraiment plus légères, juste pour les gens qui veulent faire du sentier. Il y en a qui sont faites juste pour la décoration. Il y en a qui affichent des raquettes dans leur chalet. C'est vrai. Ça, c'est les 25 pouces. Ouais, à peu près 25 ou 30. Là. Ah, tout 30 dépendait pouces. Du mur. Là. C'est ça. Tu veux voir de plus loin, c'est comme une TV. C'est ça. Ouais. Bon. Fait que ça, c'est pas mal pour la grandeur, mais encore là, habituellement, sur les étiquettes des chartes, il y en a certains magasins qui ont comme une balance là, 21, 25, 30, 36 que t'embarques dessus, puis ça dit à peu près où est-ce qu'on trouve. Hey, hein? La technologie aujourd'hui. Voilà. On passe au type de harnais maintenant. Oui, je pense que c'est quelque chose de primordial d'être facilement capable d'enlever et d'ajuster nos raquettes. Il y a deux catégories, les attaches en tissu. L'harnais, c'est vraiment en fait, ce qui prend ta botte au pied. C'est ça, c'est qu'est-ce qui va retenir ton pied au-dessus, en arrière de ton pied. Okay, c'est pas les pics en dessous, c'est vraiment ce qui attache ton pied à la raquette. Donc, il y a vraiment comme les gants un peu plus en tissu, puis les attaches un peu plus à ratchet. Là. C'est des... Ratchet racket? Ratchet racket, ouais. Donc, les tissus, ben, il y en a qui disent que c'est un peu plus bas de gamme, il y en a qui disent que c'est plus pratique parce que ça s'ajuste mieux. C'est un peu plus difficile de glisser son pied selon moi parce que c'est mou, c'est du tissu. Ouais, fait que c'était des gants, c'est un peu plus difficile de rentrer sa botte. Mais l'avantage, c'est que tu tires dessus et ça va vraiment venir s'ajouter à 100% à ton pied. Contrairement à celle de Ratchet, là, c'est disponible premièrement plusieurs qualités. Il y en a qui ont peur un peu que ça casse. Je dirais que c'est une raquette kit complet, bâton, guêtre et raquette à 50$. Ça se peut que ça soit un petit peu différent, mais ça dépend vraiment de tout le monde. L'avantage, c'est que c'est plus facile de faire des ajustements avec ses mitaines. Là. C'est vraiment une petite crainte. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est que des fois, notre pied peut se situer entre deux coches. Fait que des fois, on peut comme mettre une, ça fait une pression de trop, fait qu'on vient car je l'ai du pied. Puis une pression de moins, ben, le pied flacote un peu plus. Mais ça m'est jamais vraiment arrivé que quelqu'un dise « je suis comme pas... » À l'aise, il n'y a comme pas de grandeur idéale. Mais c'est comme les fixations comme dans les planches à neige, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Mais habituellement, tu sais, les bottes de ski sont faites assez solides que ça fit en conséquence. Ouais. Puis quand tu parles des attaches, là, est-ce que ça. Tu parles aussi là, des. Comment je pourrais dire? Du pivot, là, parce que je sais qu'il y en a qui sont. Pivot fixe et pivot... Ouais, c'est ça. Quand tu marches, ça donne un sentiment plus peut-être de marcher. J'ai l'impression, je sais pas, là. Ben ça fait partie plus de la raquette, je te dirais. Là, il y a des pivots fixes et des pivots un peu plus solides, là, je te dirais. Il y en a que dans le fond, que le pivot reste comme... Il y a comme un ressort, si tu veux, dedans. Ça fait comme une gougoune quand tu marches, là. Dans le fond, tu lèves ton talon, puis là, quand tu avances ton pied, le derrière de la raquette va venir se ramener. Donc, la neige reste un mépris. Mais il y en a d'autres que le pivot, il est vraiment mou. Donc, tu lèves ton pied et la raquette apprend. Là. Fait que dans ce cas-là, il faut que tu marches, puis en glissant un peu la raquette, en la levant un peu, mais la neige qui s'accumule va rester là. Mais c'est plus de ça, je te dirais, qu'il y a que... Parce que celle qui a un genre de petit ressort à l'arrière, c'est plus comme un peu de la raquette de course ou des trucs comme ça. Là. OK. Faut aller dans la gamme de prix assez élevée là, pour... Ben pas nécessairement, mais je pense que c'est pas nécessaire à tout le monde. Puis c'est peut-être quelque chose de moins pratique, je dirais, là... Parce que, mettons, quand tu recules ou quelque chose, en tout cas, c'est vraiment selon les besoins de chacun, là, mais moi, je pense pas que c'est essentiel du tout d'avoir ça. Voilà. Très bien. Ensuite, les crampons. Il y a des crampons plus complets que d'autres, que c'est comme dans tout. Il y en a qui en ont un petit peu moins au talon, premièrement. Ça veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise raquette, mais il faut vraiment être capable d'évaluer ses besoins. Mais les crampons, excuse-moi de t'interrompre encore. C'est correct. Les crampons se trouvent directement en dessous. C'est en dessous du pied. Du pied, simplement. Pour, ben, y pas en partout. Il y en a que c'est en dessous de la raquette. Là, oh, comme je dirais, okay. Y a une marque plus spécialisée, le MSR, qui est un peu, peut-être un peu plus pour de l'ascension, de la descente. Là. Okay, okay, ouais, qui a vraiment des pics tout le long de la raquette et un petit peu en dessous du pied, mais c'est plus. Chaque côté de la raquette qui a une longue bande de petits pics de grandeur variée. OK, OK. Si on décide d'aller en neige folle, on va peut-être axer nos besoins un peu plus sur une raquette plus large, mais c'est justement, si on veut aller en montagne, on va peut-être avoir besoin un peu plus de mordant, fait qu'on va y aller en conséquence. Il y a certaines qualités, il y en a qui sont plus minces que d'autres, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins solides aussi. Il faut regarder les matériaux dans lesquels ils sont faits. Puis, c'est ça, parlant de matériaux, je sais qu'en fait, dans mon temps, c'était en babiche, là. Oui. En bois. Et puis, dans ton temps. Non, mais quand j'étais jeune, en fait. Quand tu marchais jusqu'à l'école en raquette. Ouais. C'est ça. Il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas. C'était pas encore. Tu pourrais être surpris, ça existe encore, les raquettes en babiche. Ça se vend beaucoup moins parce que c'est moins pratique, parce que c'est beaucoup plus large et là, là, là. Mais ça existe encore. OK. Mais sinon, la plupart du temps, c'est rendu en aluminium. En alu? Puis sinon, le tamis, là, qu'est-ce qui fait comme l'intérieur de la raquette, c'est... du cuir, non? Non, c'est souvent des alliages de plastique avec quelque chose qui est résistant au froid ou dans certaines autres raquettes, je me souviens vraiment plus du terme, mais c'est un tissu résistant qui est comme enduit d'une espèce de caoutchouc là, qui fait que la raquette okay. ne calera pas. Ouais. Merveilleux. Ah, parfait. Donc, les crampons, c'est ça. C'est vraiment de prendre le temps de regarder la raquette en dessous, d'évaluer selon nos besoins. De regarder, je n'ai-tu besoin ou je n'ai pas besoin. C'est sûr, ça va jouer sur le prix aussi. Plus qu'il y en a, plus ils sont solides, ça va être un peu plus dispendieux. Mais si vous faites le sentier autour de votre cabane à sucre en arrière, c'est peut-être pas nécessaire non plus. La talonnière, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment présent sur toutes les raquettes. Je vais passer vite là-dessus. C'est plus si on va en montagne, encore là. C'est quoi, ça, la talonnière? Quand tu montes une montagne, là, quand tu fais de la randonnée, là, t'as-tu tendance à monter genre sur la pointe des pieds parce que ça monte mieux que sur le pied au complet? Ben, ça dépend, tout dépendait de l'angle. Mettons là, que c'est à pic, là. T'as-tu tendance à monter un peu plus sur la pointe des pieds? La talonnière, c'est quelque chose en arrière de ta raquette, au niveau du talon, que quand tu commences à faire de l'ascension, c'est un genre de U à l'envers que tu peux remonter en arrière de ta raquette. OK, OK. Fait que ça fait comme si tu marchais droit, mais tu montes. Un U à l'envers, c'est comme un N, mettons. Ouais, ben c'est carré, là. Okay. C'est vraiment comme... Excuse-moi. Ta raquette, elle suit la côte de la montagne. Je mime beaucoup, hein, mais il n'y a personne qui voit la radio, c'est très drôle. Ben, quelques-uns. Deux. Ils voient bien les affaires, eux autres. Fait que c'est vraiment ta raquette va suivre la côte de la montagne, mais en ayant ta talonnière, tu as l'impression que ton pied est droit, donc tu vas forcer mieux. C'est plus facile de forcer. OK. Fait que ça dépend. C'est pour quelqu'un qui fait la cabane à sucre. Ça, c'est en option, c'est ça. Il y a pas beaucoup de modèles qui l'ont, c'est des modèles un peu plus spécialisés. Okay. Comme je dis, c'est souvent plus les modèles faits pour l'ascension, parce qu'encore là, c'est pas nécessaire pour faire le tour de la cabane à sucre. Là. Bon. On a choisi nos raquettes. Ouais. C'est ça. On doit choisir les souliers qui vont avec. Oui. C'est vraiment possible de faire de la raquette avec n'importe quelle chaussure. Il y en a qui font ça en running, mais c'est sûr, je ne le conseille pas. Doit faire fret. C'est parce qu'il y a moyen de faire de la raquette de course, mais c'est des raquettes un peu plus spécialisées, puis c'est vraiment pas beaucoup de monde qui font ça, je dirais. C'est sûr que moi, je conseille plus comme d'aller chercher une petite botte, souvent plus une petite botte courte si on veut être à l'aise dans nos mouvements, mais comme quelqu'un a des problèmes de cheveux, on va chercher une petite botte de randonnée, mais isolée. Il y a comme certaines marques là, que... Ouais, on nommera pas. On nommera pas. Mais pas des bottes hautes, là, comme des bottes... Pas aux genoux, là, mais tu sais... Moi, j'aurais tendance à mettre ça, je sais pas, en fait. Pour aller dans le bois, exemple, tu sais, si, mettons, faut sortir aussi des fois de la raquette, faut quand même... Ben, il y a des très bonnes bottes de randonnée, là, avec... faut regarder aussi le degré d'isolation, là, tout dépendamment de notre tolérance au froid, mais... Ça, un petit peu au niveau de la cheville, beaucoup. Sinon, il y en a comme peut-être 2 pouces au-dessus de la cheville, puis ça fait sans masse, là, parce que sinon, tu vas avoir chaud, puis tu vas avoir de la misère à bouger. Là. C'est pas l'idéal. Là. Si tu montes, tu bouges tes genoux, tu veux pas une botte qui suit tout le long de ton mollet, parce que tu vas avoir de la misère un petit peu à bouger. Ouais. Voilà. Fait qu'il y a certaines bottes qui ont un petit appui à l'arrière, là. Ils ont vraiment une petite coche en arrière là, pour aller accrocher la ganse en arrière de ta raquette. Fait qu'elle vient à côté sur cette petite coche-là. Fait que tu risques pas de marcher, puis tout d'un coup, elle glisse, ça se ramasse en dessous. Puis, il y en a aussi qui vont avoir un petit anneau à l'avant de la botte pour être capable d'attacher la guêtre. Justement. Justement, en étant là, une guêtre. C'est un peu comme une rallonge de pantalon de neige qui va s'ajuster mieux à la botte et au pantalon. Ça vient une petite courroie qui passe en dessous de la botte, donc ça ne bouge pas. Puis ça monte à peu près mi-mollet. Comme ça, ça vient vraiment comme joindre le pantalon à la botte. Fait qu'il n'y a vraiment aucune neige qui va rentrer là-dedans. Wow! Là, ça, c'est cool. Hein? C'est plus nécessaire pour quelqu'un qui va faire du hors-sentier, là, de la neige folle. C'est sûr que la piste cyclable ne nécessite pas de guêtre, là, mais... À moins d'une tempête de neige. À moins que vous voulez en faire, genre avant que la petite déneigeuse passe, là, mais je pense pas que... Une déneigeuse qui passe dans les pistes cyclables? Oui. Oui, OK. C'est un tout petit... Je sais pas. Je le vois de ma fenêtre. Tout petit comme ça? Je l'entends de ma fenêtre à 2h du matin. Je peux te dire que oui. Ah oui, ils font aussi des mip-mip comme chez nous. La souffleuse, tout le temps mip-mip. À 5h du matin, c'est le fun. Ouais. À 5h, t'es debout? Oui, ben je sais, mais je suis pas supposé, tu sais, mettons, le reste du monde, non. C'est ça. Ouais, c'est fatigant. Ouais. Fait que là, c'est ça, pour les guêtres, là, c'est... C'est ça pour les guêtres, let's get it on. Let's get it on. Non? La chanson, let's get it on, non? C'est pour? Non, non plus. Ouais, chanson super romantique, là. Let's get it on. Non, OK. On doit pas être romantique. Non, vous avez pas l'air à ça. Un petit peu de romantisme, ouais. Fait que ça, c'est vraiment pas nécessaire pour tout le monde. Là. C'est vraiment plus spécifique à un public aventureux. Bon, choisissons nos bâtons maintenant. C'est des accessoires très pratiques et très utiles que je pense que tant qu'on n'a pas essayé, on se dit « j'en ai pas de besoin ». Bon point, en fait, c'est exactement ce que je me disais. Tant que t'en as pas... J'en ai jamais eu, puis je me disais « c'est complètement inutile ». Oui, mais un coup que t'en as essayé, tu te rends compte que t'es... ça t'aide beaucoup. Premièrement, si tu fais... il y en a beaucoup qui font de la raquette pour faire de l'exercice. Carrément. Mais je vais te dire qu'en travaillant avec tes bras, tu travailles tes jambes, tu travailles tes bras, fait que c'est sûr que ça donne un plus. Deuxièmement, quand tu fais... c'est sûr, si tu fais un sentier... ben c'est, si tu fais de la piste cyclable, peut-être pas, mais si tu fais un sentier qui a moindrement un peu d'ascension puis de descente, ça t'aide à forcer un peu. Une stabilité aussi, j'imagine. Oui, puis il y en a qui ont de la misère aussi au début, en raquette, là, à garder un peu leur équilibre vu que c'est un pas plus large. Mais ça aide à garder une stabilité. Tu fais moindrement de l'ascension ou de la descente. C'est beaucoup moins dur sur les genoux. Surtout la descente, là, pour l'avoir testé en randonnée en chaussure normale, c'est beaucoup moins dur sur les genoux. Parce que dans le fond, tes bras, les bâtons... c'est comme si tu avais d'autres points d'appui. C'est exactement. Fait que tu forces à 4 places au lieu de 2 places. Donc, c'est moins dur sur le corps. C'est sûr que pour l'hiver aussi, pour ne pas caler, ça peut donner des fois juste taper ou ici c'est creux ou... ça, c'est quelque chose à avoir tout le temps sur soi. Ou mettons qu'on a un couple qui veut aller en faire, pas nécessairement besoin d'aller acheter une paire, deux paires, mais t'en achètes une, puis tu sépares le bâton moitié-moitié. Oh. À la limite, ça peut être ça. Pas vraiment besoin de dépenser pour des bâtons dits hivernaux, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des 4 saisons, puis quand t'achètes le bâton, il y a comme un petit panier à neige qui s'achète à part que tu peux aller comme visser sur le bout de ton bâton et l'enlever quand la saison d'hiver est terminée. Panier à neige, là, tu parles, mettons, vraiment comme pour les skis, là, avec un... ouais, tu sais, c'est comme la fleur, là, okay, en bout de ton bâton. Fait que c'est ça pour les bâtons, je pense que c'est pas tout le monde qui en a nécessairement besoin. Parce que ça dépend encore là de l'intérêt de la personne. Mais je pense que tant que tu n'as pas essayé, tu réalises pas que tu n'en as pas de besoin. Puis là, ben, ils sont dans mon coffre d'auto, puis je veux plus... Ça, c'est en alu aussi, pas mal? Ça dépend, là, la plupart du temps, c'est ça. Okay. Le alu carbone, mais carbone, on change de prix. Là. Mettons accessible à tout le monde, ou ces temps-ci, des promotions, des fois, tu achètes une raquette. T'achètes une paire de raquettes, puis t'as une paire de bâtons, tu sais. Ça, c'est cool. T'achètes une raquette, t'en as une deuxième. C'est ça! tu peux jouer au tennis. Donc, bâton, pas bâton. Bâton, le fer pendant qu'il est chaud. Il nous reste très peu de temps. Kit de base qu'on peut acheter, tout fait. Oui, c'est ça. Si vous voulez pas dépenser un plein prix pour les raquettes, bâtons, guêtres, toujours la location, comme je disais, qui est possible. Mais il y a aussi des kits de base qui sont disponibles dans certaines compagnies. C'est souvent des compagnies marque maison, des magasins de sport. C'est vraiment des ensembles très de base, adaptés. Puis quelqu'un qui veut avoir sa propre paire, mais qui sait pas trop, j'aime-tu ça? Ça fait un job. Ou je vais-tu en faire assez souvent pour payer une paire de raquettes à 100$? Souvent, c'est des ensembles qui vont coûter 80 ou 70-80$ environ. Alors qu'une paire de raquettes, ben c'est environ 100-130$. Puis une paire de bâtons, c'est 40-50$. Fait que... ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, mais si on se dit moindrement, je vais en faire deux fois par mois, ben, je pense que ça vaut la peine d'investir un peu plus parce que c'est vraiment des kits très de base. Mmh. Je dis pas que ça va lâcher après trois fois, là, c'est pas ça l'affaire, mais quelqu'un qui me dit je vais en faire une fois par mois, ça vaut dire 4-5 fois dans l'année, ça vaut peut-être pas super la peine, mais du moment qu'on commence à aller à une dizaine de fois, ça vaut peut-être la peine d'investir un petit peu plus. Mmh. Et rapidement, pour terminer, tu as quelques marques à nous suggérer. Oui, ben c'est vite, vite les grosses marques là, les plus connues là, qui devraient avoir dans à peu près tous les magasins. Il y a GV, qui est une compagnie québécoise qui est dans le fond située dans la réserve Huronne de Wendake, près de Québec. Wendake. Pas mal près d'ici aussi, je pense, c'est moitié-moitié Québec. www.raquette.gv.com si on veut voir de quoi ça a l'air. Vous avez quand même des très bonnes raquettes, puis côté garantie, en étant à Trois-Rivières, ben, s'il y a des problèmes, ça se retourne assez vite parce qu'on s'entend que c'est pas très loin. Il y a aussi MSR qui utilise un peu un procédé différent pour ses raquettes. Il y en a qui sont faites plus en on va y aller largement en métal, qui sont selon les grandeurs 21, 25, 30. Mais ils ont aussi des raquettes un peu plus accessibles qui sont y a une grandeur standard, puis c'est avec une genre de rallonge à l'arrière qu'on va venir ajuster selon notre grandeur pour notre poids. Puis c'est des raquettes un peu plus tout-terrain, traction élevée, terrain montagneux, si on veut. C'est vraiment ceux-là qui ont tous les petits pics le long de la raquette. Pis sinon, Tubbs, ils ont une belle, des produits de belle qualité, quand même pas trop dispendieux pour le genre de produits qu'ils offrent. C'est des beaux produits. C'est une marque assez reconnue, je dirais, dans la raquette moderne, non en babiche, là. Sinon, il y a Louis Garneau qui en fait Atlas, McKinley. Il faut vraiment savoir ce qu'on recherche, quelle gamme de prix qu'on veut se diriger, quel genre de terrain qu'on veut faire. Je pense que la leçon du jour, c'est vraiment d'évaluer ses besoins, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller faire de la raquette. Est-ce que c'est en montagne, en neige folle, dans le champ derrière la maison, dans le bois? Puis est-ce qu'on en a vraiment besoin pour le terrain visé? Comme on disait, c'est une piste cyclable, c'est peut-être pas tout le temps nécessaire. Sinon, une bonne paire de bottes, souvent, ça peut faire l'affaire. Pour les bottes en babiche, c'est dans un marché aux puces. Si vous envoyez acheter-en, je veux voir ça. Ouais. Des bottes en babiche? Je serais vraiment curieuse. Non, des raquettes en babiche. Ah. Mais des bottes en babiche, ça se fait-tu? Pense pas. Non, c'est pas aussi beau sur un mur, peut-être. Ben, habituellement, de la babiche, c'était pas genre un alliage bois et genre biche. Cuir. ouais, mais. Parce que la raquette comme telle, le quadrillé, c'était des sortes de cuir verni, là. Ouais, c'est ça, exactement. D'après moi, des bottes en cuir verni, ça serait pas très confortable, mais ça doit exister. Sûrement pas. Merci, Émilie Gauthier. Oui, merci. Hey, c'était la dernière de 2010. Oui. J'étais full nostalgique à matin. Là, on sait pas encore pour janvier, on s'en parle et puis on verra. C'est ça. Mais merci beaucoup quand même. Mais bonnes vacances, les gars. Bonnes vacances à vous aussi. Merci. On se voit au party. Oh yeah! Enfin, quelqu'un qui vient. Hey! Ouais! Et de un. Ouais, de la fun. Nous, ben, c'est tout pour Assemblage Rookie pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Oui, demain matin, qu'est-ce qu'on va avoir demain à l'émission, Mathieu? Demain, ça va être un gros plan pas mal contenant toi et moi. Oui, exactement. Ça va être du tag team. Tag team championship. Peut-être qu'on trouvera un sujet pour chialer, peut-être des blocs, il était deux fois, peut-être une croix, c'est un fait, plein d'affaires. Key One, c'est jeudi cette semaine. Ah, OK. C'est vrai. On se quitte, les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Restez là pour le dîner de cons à 11h tout à l'heure avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. À demain matin, 7h. Passe une belle journée, François. Merci à toi aussi, Mathieu. Merci. Ah, oh, t'es fin. Babiche. Va t'appeler Babiche. Babiche. Salut, Babiche. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.